بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ف ceci est la traduction approximative de la parole qui a été donnée par notre cheikh Abu Abd al-A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri حفظه الله تعالى pour ses enfants et ses frères de du pays du Cap Vert. Et cette parole était le jeudi 23 du mois de Safar de l'année 1440 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je passerai sur le fait de présenter notre cher Khalid Othman Hamidallahu Ta'ala, car au cours des années, nous avons fait bien souvent sa présentation et vous retrouverez, pour ceux qui ont besoin, sa présentation que j'ai écrite moi-même sur le site Ahl al-Dhikr ainsi que sa traduction. Après les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala et les prières et les salutations sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur ses compagnons et sa famille, le cheikh de nous dire habadallahu tabaraka wa ta'ala qu'il accueille, il dit, il souhaite la bienvenue à ses frères et ses enfants de ce pays. Ar-Ra's al-Akhdar, le Cap Vert. Et cette parole est bien sûr dirigée à l'ensemble des musulmans du Cap Vert, de ce pays qui est le Cap Vert, et en particulier aux frères Hafidhahumullah qui m'ont demandé de demander à notre cheikh Hafidhahumullah cette parole, les frères qui sont sur cette majmoua, sur ce groupe, qui sont en contact les uns avec les autres, que Allah les préserve et leur accorde le succès dans ce qu'ils entreprennent, puisque leur but est de garder le contact et de mettre en contact les frères de ce pays, les musulmans de ce pays qui n'est pas un pays musulman à la base. Donc l'ensemble des frères sont des frères qui sont rentrés dans l'islam, hafidhahumullah, et donc leur but est de rester en contact les uns avec les autres et de prendre contact avec leurs frères qui sont éparpillés dans le monde, et en particulier ceux qui sont en France ou ceux qui viennent en tout cas de la France. Qu'on demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur accorde le succès dans cela. Et leur but aussi est de rester en contact afin de pouvoir un jour, incha'Allah ta'ala, propager l'islam dans ce pays. Demande Allah tabaraka wa ta'ala qu'il leur accorde le succès. Donc notre cheikh, hafidhahullah ta'ala, après une brève introduction, il souhaite la bienvenue à ses frères et ses enfants du Cap Vert. Il fait des invocations pour eux, qu'Allah Azza wa Jal les raffermisse sur l'islam véritable, celui sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radhiyallahu alayhim ajma'in. Le cheikh de nous dire, je vous dis, Louez Allah, votre Seigneur, et remerciez-le. Pour le fait qu'il vous a guidé à l'islam et qu'il vous a accordé le succès de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Louez-le aussi pour le fait qu'il vous a accordé le succès d'être avide de rester en contact, d'être en contact et de rester en contact avec les savants. Qui les savants de cette communauté qui sont sur la croyance et le manhaj, la voie des pieux prédécesseurs. Radwanallahi alayhim ajma'in. Et le shir de nous dire que ceci est un grand bienfait, qu'il fait partie des plus grands bienfaits. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala vous a préservé de tomber dans l'association ainsi que dans les innovations, al-bida. Le shir de faire une invocation pour les frères ainsi que pour nous, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse mourir sur l'islam. Et le shir de nous dire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre eux rentrait en islam, que bien sûr avant cela, les compagnons étaient sur, pour la plupart d'entre eux, sur la religion des gens de Quraysh, qui était l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, le polythéisme. Et bien lorsque l'un d'entre eux rentrait en islam, il comprenait ce grand bienfait que Allah tabaraka wa ta'ala lui avait accordé. Et il louait Allah tabaraka wa ta'ala pour cela. Comme Abu Dharr, Khalid ibn al-Walid, comme cela, les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, radiallahu anhum ajma'in, la plupart d'entre eux étaient sur la religion de leur peuple, qui était le polythéisme. Sauf le shir de nous dire que certains d'entre eux était sur la religion pure, le monothéisme pur, et qu'il n'était pas rentré sur, et qu'il n'était pas rentré dans la religion des gens de ce peuple. Le polythéisme et l'adoration des idoles, comme Waraqat ibn Nawfal. Et le cheikh nous dit que Waraqa, les savants ont divergé sur, à savoir s'il était du nombre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non, car il est mort avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé à sa communauté afin de prêcher l'islam. Et le shir de nous dire, ce qui est important de retenir, c'est que il vous rappelle ce grand bienfait afin que vous le préserviez et vous fassiez les causes afin de préserver ce bienfait. Et le cheikh de nous dire que parmi les causes de la préservation de ce bienfait, parmi les plus grandes causes, le fait de remercier. Le remerciement à Allah tabaraka wa ta'ala et le remerciement appelle l'œuvre. C'est-à-dire que le fait de remercier Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quelque chose qui demande d'œuvrer pour lui, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla le dit dans le Coran, dans le sens approximatif de ses paroles, où il dit ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude, œuvrez par remerciement. Et le shir de nous dire que parmi ces œuvres, il y a le fait d'apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'être avide d'apprendre et d'obtenir la science bénéfique, d'acquérir la science bénéfique de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de renforcer sa foi et sa religion par cette science bénéfique. Et afin que par cette cause, Allah tabaraka wa ta'ala vous préserve de tomber dans les troubles et dans les égarements ainsi que dans les innovations. Et le shir de nous dire que la science est la base de l'œuvre, la base de toute œuvre. Il est donc impératif que nous apprenions la science profitable. Nous acquérions un savoir bénéfique avant d'œuvrer dans notre religion. Et le shir nous dit il est naturel que il est naturel de savoir que la science bénéfique se prend auprès des gens de science. Comme le dit Muhammad ibn Sirin, radiallahu anhu, et un nombre de nos pieux prédécesseurs, inna hadha al-ilma dinun. فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous la prenez. Et comme l'a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Il est donc impératif pour tout musulman de prendre cette science, cet héritage auprès de ces gens, des gens de science, ceux qui ont hérité ceci des prophètes. Et le shir de dire que si vous n'êtes pas en possibilité, vous n'êtes pas vous n'avez pas la possibilité de voyager auprès des gens de science, la moindre des choses est que vous soyez avide de prendre et d'apprendre cette science par les moyens que vous avez, comme tous ces moyens qui ont été facilités par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme Internet, par exemple, qui est au jour d'aujourd'hui rempli des cours de nos savants, des cours de nos grands savants. Et le cheikh n'oublie pas de vous mettre en garde contre les sites des gens de l'innovation et des gens des troubles. Et il vous dit, ne rentrez surtout pas sur ces sites et ne prenez surtout pas la science de ces sites, les sites des gens de l'innovation et des troubles comme At-Takfiriyoun, les gens du Takfir, les gens qui rendent mécréants les musulmans, ou Al-Qutbiyoun, les gens qui se rapportent à Sayyid Qutb, le grand innovateur, ainsi que Hizbul Ikhwani Muslimin, le parti et la secte des frères musulmans, ainsi que Jama'at al-Tablir, les al-Tablir, les Tabliriyin, les gens de Tablir, ainsi que Soufiya, les Soufis, tous ceux-là qui sont dans un égarement évident, ainsi que ceux qui se font passer pour des musulmans, mais qui n'en font pas partie comme les gens, comme les hypocrites, les gens qui se font passer pour des musulmans alors qu'ils n'en sont pas. Et le shir donc de mettre en garde contre ces sites qui sont remplis d'ambiguïté et de troubles et d'innovation. Et le shir vous conseille de prendre la science, bien sûr pour celui qui n'a pas la possibilité de voyager auprès des savants, de prendre la science des savants de la sunna sur les sites des savants de la sunna et ceux qui réunissent les cours des savants de la sunna, ceux qui sont connus, c'est-à-dire les savants de la sunna qui sont connus comme Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ou Muhammad Ibn Salih, Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, et ceux qui sont sur la même voie que ces derniers parmi les savants de notre temps, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont morts parmi eux et qu'il préserve ceux qui sont toujours en vie. Et le shir donc vous enjoint à profiter de ces savants et à écouter leurs cours ainsi que leurs explications des livres ou les explications qu'ils ont fait des livres traitant de la croyance, du dogme, de l'aqida, ainsi que des narrations prophétique du hadith, ainsi que des livres de la jurisprudence, du fiqh, et le shir vous enjoint à vous entraider entre vous dans l'apprentissage de la science. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, et entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la piété, et ne vous entraidez pas dans la transgression et le blâmable. Le cheikh vous recommande de vous réunir entre vous dans les mosquées, dans vos maisons. Il vous enjoint à étudier ces livres, à étudier la science, à étudier ces livres. Il vous enjoint aussi à répandre cette science entre vous et Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous le dit le shir, mais la bénédiction al-baraka dans le peu, même si vous êtes peu et vous en faites peu, Allah azza wa jal met la baraka dans ce moindre nombre lorsque cette chose est continue et vous êtes assidu dans cela. Comme il est venu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles, les œuvres les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sont celles qui sont continues, et même si elles sont moindres, même si elles sont peu. Et il cite aussi un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, cette religion est la facilité, et le shir de nous dire qu'il vous conseille donc de redoubler d'efforts dans la recherche de la science et de vous entraider à cela et d'élever votre envie d'acquérir la science et de la répandre et d'appeler à cette science que vous aurez appris, de la répandre entre vous en premier lieu le shir vous enjoint aussi de vous écarter des innovations ainsi que des passions et des péchés comme vous le pouvez, car il n'y a pas de doute que l'être humain pêche, tombe dans le péché, et le shir doit nous dire que l'être humain a sans aucun doute été créé comme cela, c'est-à-dire qu'il tombe dans le péché, qu'il tombe dans les troubles, qu'il est troublé bien souvent, mais qu'il revient vers Allah tabaraka wa ta'ala repentant. Il tombe dans le péché, puis il se repent. Mais le croyant véritable est avide d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, il recherche l'obéissance de son Seigneur Azza wa Jal de la manière qu'il le peut. Et même si parfois il faiblit, même si parfois il tombe dans le péché, recherche toujours l'agrément de son Seigneur et l'obéissance de ce dernier, tabaraka wa ta'ala. Et le croyant ne désespère pas. Il ne désespère pas de la miséricorde de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Le shir vous enjoint donc à vous repentir à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il vous enjoint à l'apprentissage de la science. Il vous enjoint à œuvrer selon ce que vous aurez appris. Il vous enjoint à être assidu dans cela et à redoubler d'efforts dans cela, à redoubler d'efforts dans la propagation de la vérité. Et en particulier, car vous êtes faible ou affaibli dans ce pays qui, comme le dit le shir, comme il a appris, est un pays chrétien. Il vous enjoint donc aussi à vous régler selon ce qu'a légiféré la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala dans vos relations avec les chrétiens et à ne pas sortir de ce qu'a régi notre religion en ce qui concerne la manière de se comporter et les relations que nous avons avec les chrétiens. Le shir vous enjoint à ne pas suivre la voie de ceux qui ont exagéré dans cela, à ceux qui ont donné une mauvaise image de l'islam d'une manière ou d'une autre, qu'ils ressentent cela ou qu'ils ne le ressentent pas. Le shir vous enjoint dans vos relations et votre manière d'être avec les chrétiens, il faut que vous soyez et que vous soyez réglés, que vous suivez les préceptes de notre religion. Car vous vivez au milieu d'eux. Vous vivez sous leurs règles ou leurs lois et sous leur protection ou leur protectorat. Donc le shir vous enjoint à vous occuper et à redoubler d'efforts dans la da'wa, l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, tawhid, à l'appel à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'appel au manhaj, à la voie et à la croyance qu'avaient as-salaf, nos pieux prédécesseurs, radhiyallahu alayhim. Il vous enjoint à éduquer vos enfants sur cela. Il vous enjoint, hafidhahullah, à enseigner les gens de la masse ces préceptes, leur inculquer les préceptes de notre religion, en commençant par l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, la voie sur laquelle étaient nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim, en commençant par leur inculquer et leur enseigner les bases de notre religion, qui sont les piliers de la foi. Le shir de dire que il vous incombe cela après que vous-même vous ayez appris. C'est cette science bénéfique et ses préceptes. Après que vous ayez appris, il vous incombe de répandre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'enseigner les gens de la masse, les bases de l'islam, qu'il vous incombe de leur enseigner le sens de la ilaha illallah, qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration ou digne d'être adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir de dire que s'il y a l'un d'entre vous qui a atteint un degré dans la science ou un niveau dans la science, et que ce dernier puisse, par ce niveau qu'il aura acquis dans la science, appeler les chrétiens à l'islam, s'il lui est facilité cette chose-là, eh bien qu'il le fasse. En fonction de ce qu'il peut. Et le shir de vous dire que si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-là, que vous n'avez pas la science suffisante pour cela, pour cette da'wah, pour cet appel à l'islam, eh bien le shir vous conseille de vous occuper de vos propres personnes, de vous occuper de vos maisons, de rester dans vos maisons, de rester dans vos mosquées, et de vous contenter d'appeler les gens de la masse au tawhid et à la sunna, d'appeler et d'enseigner vos femmes, vos enfants. Et le shir vous dit que si il vous est possible de financer l'un d'entre vous afin qu'il soit complètement libre d'apprendre la science et afin qu'il puisse voyager auprès des savants, afin qu'il apprenne la science bénéfique, la science de la religion, puis qu'il revienne auprès de vous dans votre pays, ou même qu'il devienne un savant, eh bien le shir vous dit que il y a dans cela, ou il n'y a aucun doute dans le fait que cela fait partie des plus grandes œuvres et des plus grands combats dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le combat par les preuves et les arguments indiscutables. Et en particulier dans notre temps, cela fait partie des plus grands combats dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car les gens de nos jours sont dans une ignorance indiscutable, sauf celui à qui Allah aura fait miséricorde et ils ont besoin de celui qui leur enseignera leur religion. Et le shir de nous dire que certes, les savants sont peu. Plutôt même, ils sont ou inexistants dans certains pays, comme dans votre pays par exemple. Le cheikh dit que nous ne connaissons aucun savant dans votre pays. Donc craignez Allah tabaraka wa ta'ala dans cela et essayez de faire sortir des savants d'entre vous, de faire que l'un d'entre vous sorte savant dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, même si ce n'est qu'un seul savant. Allah Azza wa Jal peut, par ce dernier, faire changer les choses. Il se peut que, par ce dernier, Allah Azza wa Jal fasse qu'il soit profitable pour les gens et pour le pays. Donc, redoublez d'efforts dans cela, comme nous le dit le Shir, il vous conseille de redoubler d'efforts dans cela, et de ne pas être feignant dans cela, et de ne pas vous adonner à cette vie d'ici-bas, et à son ornement, et à ses troubles. Barakallahu fikum. Le Shir termina donc cette intervention par des invocations pour vous. Et avant de finir, j'ai posé une question à notre cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, qui est que beaucoup des frères du Cap-Vert en France, ou plutôt que beaucoup des frères du Cap-Vert sont en France, que certains d'entre eux sont éparpillés entre le Maroc, l'Égypte, le Yémen, l'Arabie Saoudite. Certains d'entre eux demandent la science, recherchent la science, et certains d'entre eux ont émigré de la France vers ces pays qui sont des terres d'islam, car bien sûr le Cap-Vert n'est pas un pays musulman. Et donc les frères demandent qu'en est-il de leur émigration de la France vers leur pays et le fait de revenir vers ce pays qui est le Cap-Vert. Le shir de dire, Habidahullah Ta'ala, premièrement, il conseille ceux qui ont émigré vers les pays, vers les terres d'islam, où se trouvent des savants, eh bien le cheikh les enjoint et leur conseille de demander la science auprès de ces savants. D'être assidu dans cela. Afin que il soit apte à supporter ce dépôt et cette responsabilité. Car elles sont parties dans ces pays, non pas pour faire du tourisme, mais plutôt pour la science et pour apprendre la science, donc qu'ils soient avides de réaliser ce pourquoi ils sont partis vers ces pays, pourquoi ils ont voyagé, ils ont émigré vers ces pays, afin qu'ils puissent porter et supporter le dépôt et comme le shir donc l'a rappelé, il dit comme je l'ai rappelé dans ma parole et bon, dans mon allocution, s'il voit qu'il y en a un qui est plus avancé que les autres et qui a plus et qui a fourni plus d'efforts dans l'apprentissage de la religion que les autres, l'aide donc par de l'argent, c'est-à-dire qu'il lui donne de l'argent afin qu'il puisse se donner entièrement ou s'adonner entièrement à l'étude de la science, s'ils peuvent le faire, et qu'il l'aide donc à voyager auprès des savants en Arabie Saoudite, en Égypte, en Algérie, afin qu'ils apprennent de ces savants. Et même si cela est à des moments ponctuels, afin qu'ils apprennent les bases de la science, les bases de la religion, et ensuite qu'ils reviennent à son pays, à votre pays, le Cap-Vert, afin de répandre la science et afin de commencer l'appel à l'islam, si il en est capable. Et le shir de dire que comme il l'a appris, comme il a su que ce pays est un pays qui n'est pas un pays musulman, il dit que si là-bas dans ce pays il ne peut pas appliquer sa religion et qu'il peut émigrer, faire la hijra, et bien cette dernière lui est obligatoire. Et celui qui a est donc émigré, qui est parti dans un pays musulman, qui a appris sa religion et qu'il voit qu'il peut être profitable pour ses proches, et bien qu'il revienne auprès d'eux afin de leur enseigner leur religion. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.